croyance. Il veut toujours moi explique ma croyance dans la réincarnation, en préincarnation. C'est tellement évident. Si on vit conscient, on récite les vibrations des choses qui sont là, ailleurs, enfin. Personne n'est propriétaire de cette vibration. Mais si on est capable de réciter, alors on sait un jour que tout ce qui est réincarnation, préincarnation, c'est permanent. Réincarnation. C'est permanent. Réincarnation. Réincarnation. C'est permanent. Réincarnation. Réincarnation. C'est permanent.